Chapitre 10e. L'institution des tournelles. Dutilleul avait choisi de se rendre aux tournelles le jour suivant sans prendre de rendez-vous. Pour bien lui faire comprendre que ce fait était inacceptable, surtout qu'il n'était que de la police, on le fit patienter, mais sans exagération toutefois. La secrétaire, une grande rousse chevaline, ne lui offrit même pas à boire, même s'il y avait une bouilloire à proximité de son bureau. Habitué, Dutilleul n'en prit pas ombrage. Il préféra reporter son attention sur les lieux, ou du moins sur la pièce où on l'avait introduit. L'endroit en vérité présentait une bien triste figure. Les murs étaient gris de poussière et le sol affichait une propreté douteuse. Toutefois, Dutilleul n'eut guère le loisir de s'attarder, car le maître des lieux venait de faire son apparition. Il se présenta rapidement et dès le premier contact, Dutilleul fut surpris. S'il s'attendait à rencontrer un homme dans la cinquantaine bien sonné, il en fut pour ses frais. L'homme ne devait même pas avoir 40 ans. Très grand, élancé, voire même rassé, surtout grâce à un bronzage soigneusement entretenu, Bertrand Madrier ne manquait pas d'allure. Il avait tout du fils de bonne famille. Ses vêtements étaient bien coupés et devaient coûter une petite fortune. Pas de cravate, une chemise négligemment ouverte, un pantalon en velours, les cheveux un tantinet trop longs. Il affichait une décontraction un peu déconcertante qui ne cadrait pas vraiment avec l'ensemble. Le bureau était passablement désordonné. Quelques livres et revues traînaient çà et là. Dutilleul se sentait plus dans un club de vacances que dans un établissement scolaire, même de troisième zone. Tout comme dans le bureau de la secrétaire, il nota là aussi de nombreux signes d'usure et les plantes étaient mal entretenues. Toutes souffraient d'un manque d'eau. La secrétaire devait penser que cela ne rentrait pas dans ses attributions de les arroser. Toutefois, si l'on y était sensible, l'endroit pouvait offrir un certain charme, car l'ensemble possédait quelque chose de suranné, mais qui ne fonctionnait absolument pas sur Dutilleul. Tout lui semblait factice, trop étudié. Les livres laissés à l'abandon étaient trop neufs, les cassures trop nettes. Bref, Bertrand Madrier voulait se donner un genre, mais tout, Dutilleul en était sûr, n'était que comédie. Restait à savoir à qui il s'adressait, aux parents ou aux enfants. Pour sa part, Dutilleul penchait largement pour la première proposition. Tout ici clamait « Vos enfants sont entre de bonnes mains ». Il n'y avait aucun mal à imaginer des parents désespérés s'y laissaient prendre. Rassuré par le ronron hypnotique de Madrier qui semblait dire à tout instant « Je suis ta dernière solution, crache, aboule, donne-moi ton rejeton, confie-moi ton échec, cet échec qui te mine et dont tu ne sais que faire. » Avec Dutilleul, il ne prenait même pas la peine de dissimuler ce que celui-ci trouva très instructif, sûr de son pouvoir. Qu'avait-il, objectivement, ce Bertrand Madrier qui put le rendre si fier de sa personne? Certes, il possédait une taille bien au-dessus de la moyenne. Dutilleul estima qu'il devait avoisiner le 1,95 m, ce qui lui conférait une autorité naturelle, surtout face à des gamins dont beaucoup n'avaient pas fini leur croissance. Pour le reste, le visage n'était pas déplaisant, mais n'avait rien de saillant en dehors des yeux d'un vert intense. Il pensa immédiatement à Martin Landau. Oui, avec de tels yeux, il était facile de se sentir supérieur, de dominer. Du coup, à la minute même où il rentra dans le bureau, Dutilleul sut qu'il n'apprendrait rien de neuf en ses murs, tout d'abord parce que son interlocuteur ne savait réellement rien. Ici, Richard Dacroux n'avait pas fait parler de lui. Madrier n'était même pas sûr de l'avoir rencontré, en dehors du jour où il avait été inscrit dans son établissement. Encore, ce n'est pas lui qui s'en était chargé, mais une conseillère qui, depuis, avait donné sa démission. Il ne fut pas plus autorisé à interroger les élèves, mais cela ne fut pas une surprise. De toute façon, il n'avait pas de mandat sur lui, alors autant ne pas brûler d'entrée toutes ses cartouches. Il quitta rapidement l'établissement avec un goût prononcé d'insatisfaction dans la bouche. Il avait la sensation très nette d'être passé à côté de quelque chose. Il retrouva Bellegarde un peu plus tard. Ayant eu son thé vert, Dutilleul se sentait un peu mieux, car la visite des tournelles l'avait déprimé. Il s'était senti face à un mur bien lisse auquel, il le pressentait, il serait bien difficile de détecter la moindre faille, en dépit des nombreuses lézardes des lieux. On ne lui parlerait pas. Ce serait à lui d'aller à la pêche. Il lui faudrait utiliser un filet particulièrement fin, s'il voulait être en mesure de ramener quelque chose. C'est pourquoi il accueillit Bellegarde avec un certain soulagement, même si leur entretien risquait bien de ne pas avoir une tonalité bien plaisante. Elle est tout de même curieuse, cette affaire de gosse, chef. Vous pensez qu'elle est reliée à l'autre affaire, celle de la table macabre? Vous y tenez, on dirait. Pour répondre précisément à votre question, oui. J'ai le sentiment très net que les deux affaires sont liées, même si pour l'instant, c'est juste un peu plus qu'une intuition. Cependant, le blouson m'intrigue. Pourquoi l'a-t-on sciemment déposé là? Autre chose. J'aimerais que Girardin aille creuser un peu du côté des Tournelles, qu'il fasse le voisinage. Je serais curieux de voir ce qu'il va récolter. C'est comme si c'était fait, chef. Merci, Bellegarde. Avec la voisine qui a découvert le gosse, ça donne quoi? Pas grand-chose. Elle pense avoir entendu du bruit vers 2 heures du matin, mais elle n'en est pas sûre. Comment l'a-t-elle découvert? En allant elle-même jeter sa poubelle. À 6 heures. Encore, c'est un sacré coup de peau pour le gosse, car la femme de ménage avait oublié de la sortir la veille. Parce que sinon... Oui, répondit tristement du Tilleul. Je n'ose imaginer. Même si, en l'occurrence, l'âne ne l'a pas sauvé pour autant. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il n'ait rien dit? Pour cela, oui. La voisine est formelle. Le gosse était déjà inconscient. Elle s'est bornée à le couvrir. Quand j'y pense, chef, c'est tout de même cruel d'avoir voulu lui faire endosser un meurtre. Cruel et cynique. On se moque de nous, Bellegarde. Je n'aime pas cela. C'est peut-être bête ce que je vais dire, chef, mais je trouve que ça va assez bien avec les Tournelles. Ah, vous aussi, vous faites le lien. Attention. Il faut toujours se méfier de ce qui paraît trop évident. Puis, il s'agit tout de même d'un meurtre, voire deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend et on fouille. L'exhumation, alors? Oui, l'exhumation. Que cherche-t-on? D'autres agressions de vieilles femmes, à Paris et en périphérie. Vous pensez qu'il y en a eu d'autres? Certainement. De là à ce qu'elles nous intéressent. En revanche, je suis sûr que les assassins vont récidiver, car tout bien considéré, les deux affaires ont été rondement et proprement menées. Comme l'adage le dit avec raison, l'appétit vient en mangeant. Surtout que lorsqu'on y réfléchit bien, il n'y avait pas beaucoup de risques dans les deux cas. Que voulez-vous dire, chef? Repensez à la maison, Bellegarde, un peu en retrait de la rue, un endroit tranquille où l'on ne risquait pas d'être dérangé. Même mode opératoire pour le gosse. Il courait quand même le risque d'être surpris. Très peu probable, à mon avis. Ils ont dû partir très tard, car cela limitait la possibilité d'être vu. Auparavant, ils ont dû s'assurer que tout le monde dormait bien aux Tournelles avant de s'éclipser. En revanche, ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est comment ils ont attiré Richard Dacroux dans ce piège. D'après le portrait que l'on m'en a fait, il passait pourtant pour intelligent. Peut-être lui a-t-on fait miroiter une autre action. Dans ce cas, pourquoi ne pas se pointer aux Tournelles et cuisiner tout le monde? Sous quel prétexte? Il y a quand même eu un mort. Je suis bien d'accord avec vous, Bellegarde, mais vous oubliez une chose. Ces gosses ne sont pas supposés se balader la nuit, encore moins en dehors de l'institution. Pourtant, il a bel et bien été piégé, chef. C'est véritablement horrible ce qu'ils lui ont fait. Au fait, comment savez-vous qu'ils étaient plusieurs? Les coups, Bellegarde, les coups. Tous n'ont pas été donnés avec la même intensité. C'est l'autre point commun qu'il y a avec l'affaire de la vieille dame. Seulement, elle n'avait vraisemblablement jamais fait de mal à personne. Et c'est le caractère gratuit de ce meurtre que je trouve tout à fait insupportable. Journal. Extrait numéro 1. Cher grand-père, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à te dire. Tu sais ma phobie des vieux. Ah, puis non, tu ne le sais pas. Tu es parti bien trop vite. J'ai toujours détesté les vieux. Sans doute à cause de toi. Ils me font horreur, avec leurs peaux toutes ridées, leurs tout petits pas. Avant, je n'en avais pas conscience, mais aujourd'hui, c'est insupportable. D'abord, il y en a trop. Surtout dans les bus, à 5 heures, quand on est obligé de le prendre pour revenir de la piscine, ces vieilles hargneuses qui doivent tout le temps être assises. Jean Cry était vachement sympa l'autre jour de céder sa place. La Rombière ne l'a même pas remercié. De toute façon, je l'ai toujours trouvé un peu con, Jean Cry, avec sa queue de cheval. Il n'est pas mal, mais c'est pas mon genre. Trop bien élevé, trop propre sur lui, un bourgeois. Ses parents sont pétés de thunes et il n'a ni frère ni sœur pour le faire chier. Je n'en veux pas dans le club, même s'il a une langue de 15 mètres dès qu'il l'aperçoit. Je sais qu'il rêve que je lui dise oui, mais je vais pas le faire, même s'il est aussi manipulable que les autres. Tous des cons, je les méprise. Ils sont aussi faciles à dominer. Sauf Pardem. Mais cela ne lui a pas porté chance, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il s'est imaginé, celui-là? Ce n'était vraiment plus possible. Le coup du blouson m'a plu, même si je n'aime pas trop les initiatives. En tout cas, bravo pour le carnage, c'était très réussi. Bien sûr, j'ai dû donner des gages, faire des promesses, que je n'ai absolument aucune intention de tenir. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent tous, ces connards? Qu'ils vont pouvoir me prendre aussi facilement dans leur filet? Ça me ferait mal, tiens. Je dois remanier le club maintenant que c'est fait. Ils ne sont plus assez sûrs. Galtier est fragile. Il craquera le premier. Je n'aurais jamais dû l'accepter. C'est un faux dur et un drogué. Berthelot m'a rapporté que Galtier a pleuré quand il a découpé la carte bleue de la vieille. Que pensait-il? Qu'il pouvait la piquer en douce et nous faire tous pincer parce qu'il était incapable de résister à la poudre? Il est absent depuis lundi. Il faut que je trouve quelqu'un pour s'en charger. De Serre n'est plus sûr non plus. J'ai perdu beaucoup de mon ascendant sur lui, et je ne le sens plus si motivé. Certainement une nouvelle petite copine, il faut que je fouille. Dommage, il a un bon coup de couteau, même si on lui donnerait le bon Dieu sans confession. J'aimerais bien savoir pour qui il craque cette fois. À tous les coups, c'est pour cette salope de Jenny, avec ses jupes toujours ras-le-bonbon. J'ai même surpris le Dirlo en train de se rincer l'œil. Dirlo, qui a eu de la visite. Sans doute à cause de Pardet. Un grand type, sapé comme un milord. Bobin dit que c'est un flic. Je ne savais pas que les salaires étaient aussi hauts dans la police, à moins qu'il n'occupe une certaine position. Enfin, peu importe. Il ne saura rien, surtout si Galtier n'est plus dans les parages. Il faut vraiment que je me débarrasse de celui-là, il craint trop. Je pense qu'un peu de poudre devrait faire l'affaire. Je peux certainement demander à Stéphane d'en piquer à sa mère. Elle est tellement shootée qu'elle ne s'en apercevra même pas. Ce serait bien que ce soit juste avant sa prochaine cure. Stéphane ne sera que trop heureux de me faire plaisir. Il est si con quand j'y pense. Vraiment fini à la pisse. Il ne capte rien. Un vrai toutou à sa mémère. Plus je l'humilie, plus il en redemande, l'imbécile. Pourtant les autres l'aiment bien. Je sais pas pourquoi. Il est répugnant avec ses boutons et ses dents mal plantées. Par contre, question bifton, il assure grave. Ces vieux sont fous, mais enfin. Il n'y a pas de mal à profiter. Le bracelet qu'il m'a filé n'est pas mal. Je le garderai peut-être. Assez pour ce soir.